danser, amis, jolis, danser, amis. Danser, joli, la chaudron, ma belle, danser, ami, danser, danser pour elle. Danser, ami, danser, joli, la chaudron, ma belle, danser, ami, danser, danser pour lui. Mauvaise pioche, il faut que je m'accroche au rouge grillagé et poteau barbelé. C'est joli.